Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et Futur Simple va poursuivre sur le thème du climat en s'intéressant plus particulièrement au phénomène El Niño. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un tel phénomène est attendu cet hiver, ce qui laisse présager certaines perturbations météorologiques un peu partout sur la planète. Mélanie Jean va nous donner un avant-goût de l'hiver 2015-2016. Bonjour Mélanie. Bonjour Karine. Ben oui, comme tu l'as dit, cette année, c'est une année El Niño. Et il y a beaucoup d'activités météorologiques dans l'océan Pacifique, à l'endroit où se déroule le phénomène. Et le principal, c'est El Niño qui se situe dans la portion sud de l'océan Pacifique. Et depuis le mois de mars, en fait, les climatologues du monde entier surveillent avec attention la température de l'eau du Pacifique parce qu'on craint que le phénomène El Niño de 2015 soit vraiment historique. Parce que malgré que ce phénomène climatique se déroule à des milliers de kilomètres du Québec, il bouleverse malgré tout le climat de l'Amérique du Nord. Mais avant d'aller plus loin, pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste exactement le phénomène El Niño? Bien sûr. En temps normal, les côtes du Chili, de l'Équateur et du Pérou sont baignées par le courant froid de Humboldt. C'est un courant du Pacifique qui prend naissance près de l'Antarctique et qui remonte vers le nord, là, qui va longer les côtes de l'Amérique du Sud. Et ces eaux plus froides sont riches en nutriments et ça favorise l'industrie de la pêche beaucoup dans cette région-là. Et le phénomène El Niño qu'on a découvert au début du 20e siècle, ben lui, il vient changer complètement le patron océanique normal de cette région du monde. Cette perturbation climatique se produit dans la portion sud de l'océan Pacifique, comme je le disais, c'est au large de l'Amérique du Sud, aux latitudes des tropiques, et les vents dominants, en fait, ce qui se passe pendant un phénomène El Niño, c'est que les vents dominants de la région Pacifique, qu'on appelle les alizés, ils changent de direction et ils vont se mettre à pousser les eaux de surface plus chaudes vers l'ouest, vers la côte sud-américaine. Et durant un phénomène El Niño, ben en fait, là, le courant froid va disparaître un petit peu puis il va laisser la place au courant chaud apporté par les alizés. Et après 5 ans d'absence, on dit qu'il est de retour en force pour 2015. Et à quoi on peut s'attendre durant un phénomène d'El Niño? Mais ce processus est naturel et il revient environ tous les 3 à 7 ans. Et il se produit non seulement des bouleversements climatiques dans le sud de l'océan Pacifique, mais aussi il y a un impact planétaire. Les modifications océaniques et atmosphériques qui sont engendrées par El Niño vont bousculer le climat nord-américain. En Amérique du Sud, le phénomène a des conséquences néfastes pour l'industrie de la pêche, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir moins de nutriments dans l'océan. Et parce que les eaux chaudes remplacent les eaux froides qui sont plus riches. Et ça coupe la source de nutriments de la faune aquatique. Mais ça a aussi comme conséquence de dérouter les cyclones tropicaux de leur route habituelle. Et ça déplace aussi les zones de précipitation ainsi que les zones de sécheresse. Par contre, la situation s'annonce généralement bonne pour la production agricole parce qu'il y a des régions, par exemple, où on produit du maïs et du soja. Et eux vont recevoir un peu plus de pluie durant un phénomène El Niño. Donc pour eux, c'est bénéfique. De l'autre côté du Pacifique, ce phénomène va engendrer du temps sec en Australie, en Indonésie, en Asie du Sud et du Sud-Est. Et ça vient donc perturber le phénomène de la mousson. Donc, les impacts sont assez différents d'un côté de l'autre. Oui. Puis, est-ce que ce phénomène-là, il est récent? Est-ce qu'il y a, par exemple, un lien avec les changements climatiques? Si le phénomène naturel en inquiète plusieurs, il est vraiment, pourtant, pas un phénomène nouveau. Les données qu'on a pris dans des fossiles ont même permis d'affirmer que des variations climatiques de ce genre-là avaient déjà lieu il y a 10 000 ans au large des côtes péruviennes. Et pour répondre à la question si le phénomène est lié au changement climatique, la réponse que je pourrais te donner, c'est non, parce qu'il s'agit d'une oscillation climatique qu'on dit naturelle dans l'océan Pacifique. Par contre, il y a plusieurs études qui s'interrogent à savoir si les changements climatiques augmenteraient pas l'intensité et la montée en puissance de ces phénomènes El Niño. Donc, il y a peut-être un petit lien à faire. OK. Et tu mentionnais tout à l'heure que le phénomène El Niño bouleverse le climat, même en Amérique du Nord. Et est-ce que cette perturbation-là, elle aura aussi un impact sur le Québec? Bien, il faut d'abord mentionner qu'il n'y a vraiment aucune corrélation scientifique prouvée et confirmée entre le phénomène El Niño et les précipitations qu'on a au Québec durant l'hiver. Sauf qu'on constate que nos hivers sont en général plus doux, surtout quand il y a un El Niño de type fort. Okay. L'impact est un peu moins quand c'est un modéré ou un faible, mais quand c'est un fort, il y a comme une cause à effet assez directe. Il y a eu un communiqué qui a été émis le 7 septembre dernier par l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, qui a souligné que le prochain El Niño pourrait même faire partie des 4 épisodes les plus intenses qui a été observé depuis 1950. Donc, l'incertitude règne actuellement sur les bouleversements climatiques qui sont possibles sur la planète, advenant l'espèce d'effet domino que provoque El Niño, surtout si est sans précédent comme on s'y attend un peu. Mm-hmm. Le phénomène actuel est considéré comme unique aussi à cause de la combinaison de son influence et de la diminution des glaces dans l'Arctique. Parce que le dernier grand phénomène El Niño de puissance assez forte a eu lieu à l'hiver 97-98. Vous souviendrez peut-être de la fameuse crise du verglas de janvier 98. On a qualifié ça d'ailleurs le pire désastre naturel de l'histoire du Canada. Et ça a privé d'électricité 900 000 foyers au Québec et près de 100 000 en Ontario. C'est un vrai désastre. Ouais. Et le phénomène El Niño de 2015 continue de gagner en intensité. Et là, on croit que l'hiver québécois pourrait peut-être subir les contre-coups. Les experts s'attendent également à ce que le phénomène élève l'année 2005 au sommet des années les plus chaudes jamais enregistrées. Peut-être même, ça pourrait même déborder jusqu'en 2016. Mais sachant tout ça, et même s'il fait encore très beau, à quel genre d'hiver on peut s'attendre au Québec? Mais il est important d'abord de savoir que les hivers doux ne donnent pas nécessairement plus de neige, mais davantage de précipitations qui peuvent tomber sous forme de pluie, parce que les températures sont plus douces. Dans les 20 dernières années, ça a été le cas de deux hivers sur trois. Par exemple, à l'hiver 2011-2012, dans certaines villes du Québec, l'hiver a été d'environ 5 degrés plus doux que la normale, mais la neige a connu un déficit. Donc, mais au total, les précipitations étaient au-dessus des normales, c'est parce qu'elles étaient surtout tombées sous forme de pluie. Et plusieurs vont se réjouir peut-être d'avoir des températures plus clémentes durant l'hiver. Par contre, les conditions de douceur, c'est plus propice au verglas. Et ça, c'est pas un phénomène qui est très agréable. Mais non. Puis, est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont réunies pour une deuxième crise du verglas cet hiver? Il y a plusieurs personnes qui craignent, puis c'est avec raison d'ailleurs, de voir une deuxième crise du verglas comme on a eu à l'hiver 97-98. D'ailleurs, c'est la dernière année où on a eu un El Niño fort dans le monde. Et cette année, on prévoit que le phénomène sera encore plus intense, ce qui laisse place à vraiment beaucoup d'interprétations sur l'allure de l'hiver qui s'en vient. Évidemment, on peut difficilement prévoir une tempête de verglas trois mois à l'avance. Mais on peut cependant nuancer les conditions qui étaient derrière la crise du verglas de janvier 98 pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'à cette époque, en fait, il y a trois systèmes qui sont passés à la même place durant cinq jours. Ouais. C'est quand même un cocktail assez rare. On voit pas ça tous les hivers, et ce contexte particulier a laissé plus de 100 mm de pluie verglaçante en seulement quelques jours. C'est ça qui est exceptionnel, et ça a été surtout dans le sud du Québec et surtout en Montérégie. Dans ce cas-ci, on peut pas affirmer que c'est vraiment un lien direct et surtout uniquement la faute d'El Niño, comme dirait la chanson. La succession des tempêtes et des dépressions durant l'automne, par exemple, va pouvoir nous donner des petits indices sur qu'est-ce qui nous attend cet hiver. Donc, il est un peu trop tôt pour se prononcer. Mais c'est le portrait de l'automne va nous donner une idée de ce qui s'en vient, donc c'est à suivre. D'accord. Alors, pour l'instant, on ne panique pas, mais on n'est pas surpris si cet hiver, Mère Nature fait quelques caprices. C'est fort possible. Merci beaucoup, Mélanie. De rien. Donc, une courte pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, je vous propose un voyage dans l'intestin à la rencontre du microbiote.